Pêcheur d'Islande. Troisième partie. Chapitre 7. Gaud, qui venait pour s'informer, la trouva le soir ainsi, toute décoiffée, laissant pendre les bras, la tête contre la pierre, avec une grimace et un... plaintif de petit enfant. Elle ne pouvait presque pas pleurer. Les trop vieilles grand-mères n'ont plus de larmes dans leurs yeux taris. Mon petit-fils qui est mort. Et elle lui jeta sur les genoux les lettres, les papiers, la médaille. Gaud, parcourue d'un œil, vit que c'était bien vrai et se mit à genoux pour prier. Elles restèrent là ensemble, presque muettes, les deux femmes, tant que dura ce crépuscule de juin, qui est très long en Bretagne et qui, là-bas, en Islande, ne finit plus. Dans la cheminée, le grillon qui porte bonheur leur faisait tout de même sa grêle musique. Et la lueur jaune du soir entrait par la lucarne dans cette chaumière des Moanes que la mère avait tout pris, qui était maintenant une famille éteinte. À la fin, Gaud disait « Je viendrai, moi, ma bonne grand-mère, demeurer avec vous. J'apporterai mon lit qu'on m'a laissé. Je vous garderai, je vous soignerai. Vous ne serez pas toute seule. » Elle pleurait son petit ami Sylvestre, mais dans son chagrin, elle se sentait distraite involontairement par la pensée d'un autre, celui qui était reparti pour la grande pêche. Ce Yann, on allait lui faire savoir que Sylvestre était mort. Justement, les chasseurs devaient bientôt partir. Le pleurerait-il seulement? Peut-être que oui, car il l'aimait bien. Et au milieu de ses propres larmes, elle se préoccupait de cela beaucoup, tantôt s'indignant contre ce garçon dur, tantôt s'attendrissant à son souvenir, à cause de cette douleur qu'il allait avoir lui aussi, et qui était comme un rapprochement entre deux. En somme, le cœur tout rempli de lui.